Radio Campus Lille, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, vous êtes sur Radio Campus 106.6 et vous écoutez l'émission Angle d'attaque, Attaque, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. L'émission donc proposée par Attaque Métropole, à la manœuvre technique et au calendrier d'Hémosphère, Florent. Bonjour. Pour l'animation, l'interview, les actus internationales, nationales et locales de l'association, Louis. Bonjour. René. Bonjour. René La Science. Et aujourd'hui, un thème important, la transition énergétique. Il semblerait que les choses évoluent sur cette thématique. Et pour en parler, on a invité Stéphane Bally. Bonjour Stéphane Bally. Bonjour. Vous faites partie de l'association Virage Énergie, une association donc, qui milite pour la sobriété énergétique. Je laisse donc la parole à René qui va amorcer la première question de l'interview. Ben, tout d'abord, Stéphane, peux-tu nous rappeler en quoi est nécessaire, voire vitale, la transition énergétique ? Aujourd'hui, on est dans un système énergétique qui est non durable. Il est non durable d'un point de vue environnemental. On pourra y revenir sur la question de l'urgence climatique. Il est non durable d'un point de vue social, avec l'accès à l'énergie dans un rapport nord-sud, mais aussi le fléau de la précarité énergétique sur nos territoires. Et puis il est non durable d'un point de vue économique, si on intègre toutes les externalités aujourd'hui de ce système qu'on peut qualifier d'à bout de souffle, mais qui est finalement à l'échelle humaine, qui sera peut-être, il faut le souhaiter, un peu un épiphénomène, et il faut en sortir au plus vite, et d'où le terme de transition. Le terme de transition, en fait, renvoie à un passage d'un système ou d'un paradigme conventionnel vers un système qui soit soutenable, qui soit durable, et donc d'avoir une transition, une trajectoire qui soit planifiée, qui soit programmée de sortie des fossiles et des fissiles. D'autant plus que les fossiles sont appelés, les réserves sont appelées à s'épuiser, inexorablement. Alors, c'est effectivement, et c'était notamment le propos des tenants du peak oil, le peak pétrolier, ah oui, qui était appelé il y a encore quelques années. Quelque part aujourd'hui, l'urgence climatique s'impose. Et la question n'est plus de savoir si on aura suffisamment de fossiles, mais la question est comment ne pas exploiter, comment ne pas extraire l'ensemble du fossile qu'on a sous nos pieds. Quand on reprend c'est une notion de finalement de budget carbone, et quand on regarde pour maintenir le dérèglement climatique à une élévation de plus de 2 degrés, c'est globalement on a un budget d'émissions de CO2 qui serait autour de 1000 milliards de tonnes de CO2 quand on regarde en miroir les réserves de fossiles, de charbon, de gaz, de pétrole qui sont déjà découvertes, dont certaines sont déjà en exploitation, c'est 5000 milliards de tonnes de CO2 si finalement on brûle tout ce qu'on a sous nos pieds déjà découvert. Donc on voit que l'enjeu aujourd'hui n'est pas d'aller chercher d'autres fossiles, mais bien finalement de ne pas exploiter ce qu'on a déjà comme réserve disponible. Et c'est un peu le pot de confiture ou la tablette de chocolat avec l'appétit qu'on connaît pour les fossiles et sur lequel il va falloir évidemment se restreindre. Je crois que Louis avait une question. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, les mots sont importants. Tu parles d'urgence, et pourtant, malgré cette urgence, on a de cesse de conjuguer la question de la transition énergétique au futur. L'accord de Paris sur le climat entrerait en vigueur en 2020, dans l'espoir que la hausse des températures se maintienne à l'horizon 2100. Comment, et bien qu'on ait péniblement tenté de se consoler de nous-mêmes en encensant cet accord de Paris, comment considérer qu'on ait réellement pris conscience des nécessités qu'implique la transition énergétique ? Alors, l'accord de Paris est un bon accord. En tout cas, c'est partie des personnes qui pensent que l'accord de Paris est un bon accord. Le problème, c'est que cet accord, il aurait dû être signé lors de Kyoto, ou encore mieux, lors de Rio en 1992. C'est-à-dire que on voit qu'il y a une volonté au niveau mondial, une prise de conscience. Néanmoins, l'urgence fait que aujourd'hui on n'est plus uniquement sur la prise de conscience, on doit être sur une réduction drastique au niveau mondial de nos émissions de CO2. Et pour revenir sur l'accord de Paris, donc le fait d'avoir donné ce cap et d'avoir eu une approche qui était ce qu'on va appeler bottom-up, c'est-à-dire que globalement on a demandé aux États leur contribution à la transition énergétique mondiale, ce qui change totalement au niveau d'approche par rapport aux précédents accords, et d'où d'ailleurs l'échec de Copenhague quelques années auparavant. Néanmoins, il y a deux éléments qui n'ont pas été abordés. Le premier, c'est ce qu'on évoquait juste précédemment, c'est finalement comment se priver. Comment ne pas exploiter des fossiles, ou se donner les moyens et les mécanismes pour ne pas aller exploiter des réserves de fossiles déjà aujourd'hui en exploitation, ou des réserves qui sont prouvées. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, comme on est sur un enjeu mondial, c'est bien évidemment les produits qu'on va importer contiennent des émissions finalement de CO2 à travers la consommation énergétique nécessaire à leur élaboration. C'est ce que certains appellent aussi les passagers clandestins du climat, et typiquement l'Asie du Sud-Est, qui est aujourd'hui est devenu un peu l'atelier du monde. Délocaliser une activité de l'Europe vers l'Asie, outre les conséquences au niveau emploi, au niveau économique, mais d'un point de vue climatique, en fait, on ne fait que déplacer le problème. Et pour certaines pollutions, évidemment, ça pourrait s'entendre, mais là, sauf qu'on n'est pas sur, une pollution, on est bien finalement sur un enjeu à solidarité mondiale obligatoire. Et on peut pas déplacer, on peut pas repousser le tas de sable d'un point de vue temporel, et on peut pas le déplacer et le mettre chez le voisin. Ça n'a aucun sens, ça ne résout pas le problème. Donc voilà un peu ces éléments qui sont à souligner, et qui font que l'urgence. Et pour la COP21, hein, c'est l'objectif de 2 degrés et, si possible, plus 1,5 degré, qui a été une demande des pays insulaires, qui peut se comprendre. Ils ont déjà les pieds dans l'eau. Quand on regarde, et c'est pas pour plomber le début de week-end, mais quand on regarde aujourd'hui, plus 1,5 degré, même en faisant preuve d'un volontarisme mondial extraordinaire, on est quasiment sorti de la route. Néanmoins, il faut se donner cette capacité de mobiliser l'ensemble des pays, des acteurs, des citoyens, des États, des entreprises, de façon à collectivement atteindre cet objectif qui est quelque part, le terme a été employé en début d'émission, qui est vital. Mmh. La question n'est pas de savoir finalement si la Terre continuera de tourner autour du Soleil. La première question, c'est le maintien de nos organisations démocratiques, d'une part, et de la résilience face à un certain nombre de phénomènes. Quand on reprend un certain nombre d'études qui pointent ces 250 millions de migrants climatiques, quand on regarde aujourd'hui toutes les difficultés que l'Europe a à accueillir quelques millions de migrants, on voit bien qu'en fait, on change totalement d'échelle. Nos organisations seront-elles résilientes? Et puis après, l'ordre suivant, c'est évidemment la question de nos organisations collectives et de l'espèce humaine. Mais la Terre, en tant que telle, elle continuera à tourner autour du Soleil. Quelque part, et ça, on n'en est pas encore là, le fait de voir un peu la question du dérèglement climatique au-delà de l'ours polaire un peu caricatural, mais peut-être de le réintégrer comme un égoïsme pour faire en sorte que quelque part nos organisations perdurent, alors avec toutes les critiques qu'on peut formuler autour d'elles, il faut impérativement prendre le sujet à bras le corps et urgemment, quoi. Oui, justement à ce sujet. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, enfin une incohérence même entre la nécessité donc de changer de système et les dogmes économiques en vigueur actuellement? Là, on pousse par exemple à ouvrir des marchés des accords de libre-échange plutôt, dont chacun sait qu'ils sont particulièrement climaticides, qu'ils favorisent les flux commerciaux avec la pollution, les émissions de CO2 que ça entraîne, etc. C'est toute la question. Est-ce que le climat, qui est un bien commun, a une valeur et peut être marchandisé. Le marché carbone qui avait été présenté au début des années 2000 comme étant la solution avec les mécanismes dits de développement propre qui permettait finalement à une entreprise d'aller investir ou de lever des fonds permettant d'aller économiser le montant de CO2 qui serait le plus pertinent ou d'orienter l'investissement le plus pertinent. On voit bien aujourd'hui l'échec total de ces mécanismes. Oui, en fait, c'est devenu un marché spéculatif comme un autre. Alors, c'est devenu un marché. Alors, on peut y mettre deux critiques. Un, c'est devenu un marché comme un autre. Deux, et là, c'est le rôle du politique qui, suite à la crise de 2008, pour avoir un marché, il faut qu'il y ait une offre et une demande. C'est la base quand même de toute économie de libre-échange, il faut qu'il y ait une offre et une demande. Or, suite à la crise de 2008, finalement, l'activité, notamment en Europe, a décru. Les émissions de CO2 ont décru. Et ce qu'il aurait fallu mettre en place, évidemment, c'était un système c'était abaisser les plafonds, dans ce cas-là, remettait une contrainte sur la demande et qui aurait relancé le prix de la tonne de CO2. Oui. Ça n'a pas été fait. Donc, il y a plusieurs critiques, hein. Il y a à la fois ce que finalement le climat peut être marchandisé, et puis du ou des systèmes qui ont été mis en place, leur échec, au-delà des malversations que ce système a pu connaître avec des spéculations et compagnie, mais même le système en tant que tel, c'est du ressort aussi du politique au niveau notamment au niveau européen, de ne pas avoir abaissé ces plafonds. S'il n'y a pas de contraintes sur le marché, globalement, on a un prix aujourd'hui qui est de quelques euros la tonne de CO2 et qui est évidemment qui ne reflète pas les besoins par rapport à la transition énergétique. Et on voit parallèlement la trajectoire pour la tonne de CO2 qui a été votée lors de la loi de transition énergétique, avec à l'horizon 2030 une tonne de CO2 en France qui serait de 100 euros. C'est assez lointain quand on voit déjà des pays, je pense à des pays scandinaves, c'est déjà finalement le prix de la tonne de CO2, ce qui permet à la fois de ramener des fonds. Ce sont des ressources qui peuvent être réaffectées pour des investissements pour la transition énergétique. Et puis, forcément, si on renchérit le coût de l'énergie, eh bien, ça va permettre d'avoir des investissements vers de l'efficacité énergétique qui vont pouvoir se faire d'autant plus facilement. Oui. Justement, pour revenir un peu sur la transition énergétique, climatique. Je crois qu'elle comporte trois axes. Donc, le développement des renouvelables. Alors, actuellement, on sait qu'il y a apparemment un boom au niveau du solaire, de l'éolien. Mais elle comporte aussi comme deux autres volets, c'est-à-dire la sobriété énergétique et l'efficacité dont tu viens de parler. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, de ces trois volets, moi, je mettrais la maîtrise, ce qu'on appelle la maîtrise de la demande ou la réduction des consommations énergétiques, le développement des énergies renouvelables et puis peut-être aussi une question de transition au niveau gouvernance, qui serait un peu le troisième pilier, vers une transition qui soit plus locale, plus citoyenne, plus pluriréacteur. Sur le développement des renouvelables, aujourd'hui, on a un réel essor de toutes les filières. On pourra y revenir ultérieurement, mais des différentes filières, je pense au solaire photovoltaïque, à l'éolien, qui était qualifié de coûteux, de peu productif et compagnie. Aujourd'hui, on est sur des filières qui sont pleinement compétitives, qui sont même plus compétitives que les filières de notre ancien modèle. Donc, les renouvelables, ça marche d'un point de vue technique, ça marche d'un point de vue économique, ça répond à la question environnementale et l'urgence climatique. En même temps, on voit que c'est quand même bon finalement la loi du marché. De l'offre et de la demande qui est quelque part à la base de cet essor. Quand on voit l'abaissement du coût de revient des cellules photovoltaïques, ça a un rôle évidemment déterminant aussi. Alors, il y a quelque part, on pourrait voir deux éléments. Quand on parle de coûts, il y a, et je pense que Attac est assez sensible à tous les coûts qui sont externalisés. C'est-à-dire que si on compare ce qui est comparable, prenez un kilowattheure produit par des cellules photovoltaïques ou par de l'éolien. Et regardons ou comparons par rapport à des centrales gaz ou charbon ou nucléaire. Alors, il y a à la fois le coût d'investissement dans le moyen de production. Il y a pour les fossiles et le nucléaire, il va y avoir le coût de fonctionnement, hein, avec notamment les combustibles, la maintenance. Il y a un peu de maintenance aussi dans l'éolien, mais il y a aussi toutes les externalités. Les externalités du nucléaire, le coût de la les conséquences d'une catastrophe, la gestion aujourd'hui, il n'y a pas de réponse par rapport à la gestion des déchets. Si on prend pour les fossiles, évidemment, c'est tout le coût du dérèglement climatique. Donc comparons ce qui est comparable. Alors évidemment, c'est toutes ces externalités aujourd'hui. Alors on sait plus ou moins les chiffrer. Mais si on reprend l'entrée climat, quelque part, plus on émet de CO2, finalement, plus les conséquences seront dramatiques et plus les externalités seront importantes. Et or, aujourd'hui, elles sont très peu prises en considération. Donc ça, c'est un peu le premier point. Et malgré cette non prise en compte ou très faible prise en compte des externalités, on voit que les énergies renouvelables aujourd'hui sont plus compétitives que les énergies de l'ancien système, celui qu'on veut et qu'on doit quitter. Le solaire photovoltaïque dans certains pays sort de l'électricité à quasiment 5-6 centimes du kilowattheure. Même dans le sud de la France, on est à autour de 6-7 centimes. L'éolien qui aujourd'hui est autour de 8 centimes, si on prend les tarifs d'achat en France, où il y a récemment un appel d'offres pour la construction d'un parc éolien offshore au Danemark, on est autour de 5 centimes. Et ça est à comparer, alors non pas avec, parce que la comparaison se fait toujours, oui, mais avec nos centrales, si on prend en France, avec nos centrales nucléaires, mais qui sont à la fois amorti, dont d'ailleurs on veut tirer sur la corde, et il faut regarder à nouveaux moyens de production. Il n'y a pas d'élixir de jouvence pour ces vieilles cocottes minutes, et donc c'est bien de regarder par rapport à de nouveaux moyens de production. Et quand on regarde, par exemple, l'EPR, le projet de construction de deux EPR en Grande-Bretagne avec les Point C, c'est 11 centimes du kilowattheure. On voit que c'est deux fois plus coûteux, et ce, toujours sans compter les externalités de gestion de déchets, de catastrophes et compagnie. Donc, quelque part, pour illustrer, aujourd'hui, les principaux opposants au projet de construction des deux EPR en Grande-Bretagne, il y a, on va dire, tous les écolos, pour faire simple, et les libéraux. Puisque c'est à la fois une aberration environnementale, énergétique, mais c'est aussi une aberration économique. Oui. Justement, puisque là on a parlé un peu de la France et de ce, en France, est-ce qu'on n'est pas un peu en retard justement par rapport à nos voisins au niveau, j'irais non seulement équipement, mais aussi prise de conscience. Récemment, on s'est doté d'une belle loi, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bien, le premier point, c'est que très certainement, la France ne satisfera pas les objectifs de la directive européenne, de l'objectif de couvrir à 23% de ses consommations énergétiques par des énergies renouvelables à l'horizon 2020. Même avec cette nouvelle loi. Même avec la loi qui, il faut l'espérer, donnera un coup de fouet. Néanmoins, les énergies renouvelables aujourd'hui en France ne se développent pas au rythme qui était c'était un engagement de la France vis-à-vis de l'Europe, puisque on est bien finalement sur une directive européenne, et donc c'est un objectif commun et la contribution de chacun des États européens pour parvenir à cet objectif. Donc, d'ailleurs, suite au Grenelle de l'environnement, je crois qu'il y avait un engagement européen de tous les États de l'UE de... Alors, le Grenelle de l'environnement, finalement, c'est à ce moment-là. On a eu les directives, oui, dites trois fois, le paquet énergie climat, dites 3x20, voilà. Qui était à peu près à même période que le Grenelle de l'environnement. Et le Grenelle de l'environnement, c'est un peu une déclinaison en droit français une traduction en droit français de la directive européenne. Et aujourd'hui, quand on regarde la trajectoire, malheureusement, on n'y sera pas. Alors, je dirais, quelque part, tout n'est pas perdu, puisque on se fixe un objectif, et ce qui est plus intéressant, au-delà de l'atteinte de l'objectif, c'est bien la trajectoire. C'est pas d'arriver à 23,00% et puis ne plus rien faire auparavant, mais de regarder la dynamique. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que la loi de transition énergétique, par un certain nombre d'objectifs, je pense au développement d'éolien, je pense au développement du solaire, mais aussi de l'exploitation de la biomasse, permettent de donner un coup de fouet. Et si on ne l'atteint pas en 2020, on l'atteindra en 2021 ou 2022. Et c'est bien la trajectoire qu'on doit, le rythme qu'on doit se donner par la suite. Parce que le point intéressant de la loi de transition énergétique, c'est à la fois cet objectif de 2020, mais le 2030 et de 2050. On ne mobilise pas des citoyens, on ne mobilise pas des entreprises, simplement, on fera un truc demain, puis après-demain, on ne sait pas ce qu'on fera. C'est bien, finalement, se donner une vision, et que cette vision, elle soit mobilisatrice et de long terme. Oui, oui. Pour atteindre cet objectif précisément, il y a une arme dont pourrait se doter l'État, c'est celle de la fiscalité environnementale. On a en France, semble-t-il, quelques dispositifs dits incitatifs, exonération, crédit d'impôt, etc. Mais ils paraissent bien maigres par rapport à tous les dispositifs qui impactent directement ou indirectement l'environnement. Est-ce qu'on n'est pas là face à un cas exemplaire de mauvaise foi de l'État ? On est, c'est pas une nouveauté, mais on est assez souvent les cancres de l'Europe en matière de fiscalité environnementale. Oui, je crois qu'on est voilà, dans la même. C'est un moyenne outil. Faible. Enfin, la fiscalité est un outil parmi d'autres, bien évidemment à mobiliser, qui permet d'orienter ou de réorienter vers des comportements, vers des investissements plus vertueux. La fiscalité comme la réglementation. Voilà, il y a un certain nombre d'outils. Tout ne sera pas résolu par des questions fiscales, mais la fiscalité est un outil parmi d'autres et un outil assez souvent quand même mobilisateur. Mmh. Mais c'est plutôt qu'une fiscalité avantageuse pour les énergies renouvelables, nous on porte la question d'une fiscalité finalement plus forte des énergies non durables. La question elle est, j'évoquais en tout début de l'émission la précarité énergétique. Si on prend sur la région ex-région Nord-Pas-de-Calais, c'est quasiment un quart des foyers qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui consacrent plus de 10% de leurs revenus à la facture énergétique de leur logement. Et avec parfois des drames. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps à Lille, avec une personne qui évidemment s'éclairait à la bougie et il y a eu un incendie, donc avec asphyxie d'un certain nombre de personnes résidant dans l'immeuble. Donc on a des ménages qui consacrent plus de 10%, 15, 20, et puis à un moment donné en fait c'est zéro parce que la charge est trop importante. Donc on voit que l'important c'est bien de donner un signal de long terme et une stabilité aussi une stabilité du prix qui permet dans ce cas-là d'envisager une rénovation énergétique, de mobiliser les moyens financiers, puisque finalement on n'a plus de haut et de bas au niveau du prix de l'énergie, mais une stabilité financière qui permet d'engager des travaux de long terme et de résoudre, j'évoquais la précarité énergétique, mais il y a de multiples co-bénéfices à s'engager activement dans une transition énergétique. On évoquait tout à l'heure évidemment la question quelque part du maintien de nos organisations collectives jusqu'à la réponse de l'urgence sociale aussi qui est fortement marqué sur nos territoires. Oui, justement, dans cette loi a été prévu, je crois, le chèque énergie, justement, pour essayer de pallier à cette précarité. J'ai remarqué aussi que cette loi, bon, touchait aussi, visait à une baisse de la consommation à terme. Et aussi s'intéresser aussi à l'économie non seulement d'énergie, mais de matières premières dans les cycles de production. Donc elle rejoignait un peu la sobriété, efficacité énergétique indirectement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Ah oui, au niveau des transports, il y a effectivement des projets, notamment la stratégie de développement de la mobilité durable, mais il semble qu'il y a eu un grand oubli. C'est les chemins de fer qui sont quand même parmi au plan énergétique, le moyen de transport le plus efficace, on dira. Comment cela se fait-il qu'il puisse avoir des oublis, des... marche au nucléaire quand même. Ouais. On a prévu de réduire la part du nucléaire à 50%, mais bon, qu'en dire ? Que de questions. La première, et ce sera peut-être plus rapide, c'est la question du chèque énergie, où auparavant, et de façon d'ailleurs abusive, on parlait de tarifs sociaux. Les tarifs sociaux de l'énergie, donc pour le gaz et pour l'électricité, qui n'étaient pas en fait des tarifs. En fait, c'était plutôt un abattement sur une quantité consommée. Et donc, le fait de parler de tarifs laissait à penser, en fait, pour les bénéficiaires de ces tarifs sociaux, que le tarif s'appliquait sur l'ensemble de leur consommation énergétique, ce qui était nullement le cas. Donc, on est passé, et ce qui est ce qui peut être souhaitable, à le principe de chèque énergie, c'est-à-dire que finalement tout le monde a le même tarif au niveau de l'énergie. Et par contre, il y a un accompagnement pour les ménages en précarité énergétique. Il y a deux problèmes, c'est que là, il y a quelques départements en France qui ont testé ce dispositif de chèque énergie, je pense notamment au Pas-de-Calais, c'est qu'il y a 50% des ayants droit qui aujourd'hui, en fait, n'ont pas mobilisé le chèque énergie. On peut avoir des ménages en situation de précarité qui s'ils reçoivent un chèque, quel usage faire de ce chèque et compagnie. Donc, quand on a 50% de pertes en ligne, on voit bien l'accompagnement qu'il va falloir mettre en place. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, finalement, si c'est un chèque pour continuer à juste accompagner le paiement, le règlement de la facture énergie, on n'en sort pas. Ce qu'il faut, c'est bien que finalement ce chèque puisse éventuellement être épargné pendant un ou deux ou trois ans pour permettre de faire quelques travaux au sein du logement qui permettent par la suite, finalement, on va faire du préventif plutôt que du curatif. Et ça, le chèque énergie, aujourd'hui, il le permet pas. Donc voilà, on est passé d'un dispositif qui est, où on va sortir d'un système des tarifs sociaux qui présentaient un certain nombre de limites et de problèmes vers un chèque qui aujourd'hui est quand même assez bancal. Sur la question de la baisse de la réduction de la demande, faut rappeler que la loi de transition énergétique, dans son article premier, à l'horizon 2050, c'est une réduction de moitié de nos consommations énergétiques. Alors ça peut paraître un peu fou ou très ambitieux. En fait, quand on regarde, c'est les exercices qui avaient été faits auparavant, je pense en Danemark et en Allemagne, c'est ce qui est marqué dans la loi Energiewende en Allemagne, c'est la feuille de route du gouvernement danois. Donc on voit, et quelque part, c'est tout le travail qui a été fait en amont de la loi de transition énergétique montre bien que pour faire le facteur 4, c'est-à-dire réduire nos émissions de CO2 de 75%, eh bien, il faut passer par une baisse, une réduction de moitié de nos consommations énergétiques. Les deux sont liés, et ce qu'on a inscrit dans la loi de transition énergétique, finalement, est concordant ou similaire avec des politiques qui sont menées dans des pays limitrophes et qui sont partis il y a déjà quelques années. Donc, cette baisse de la demande énergétique, des exercices plus régionaux, je pense à ce qu'on a pu faire au niveau de Virage Énergie, montre que à la fois la réduction par la sobriété énergétique et par l'efficacité énergétique permettent en fait d'atteindre cette réduction de la demande. On va continuer le débat après une courte pause musicale. Nous sommes de braves gens, remplis de bonnes intentions. Faudrait pas nous prendre pour des cons, nous les gens de l'Occident. Nous préservons la nature, catalyseur à la voiture, mais une voiture par habitant, par personne de l'Occident. L'hygiène, c'est notre santé, des emballages lourds et voyants, des produits dans les étalages, des magasins de l'Occident. Trions tous les déchets, amenons les piles à la copée. 3 tonnes de plastique par an, par personne de l'Occident. Et les centrales nucléaires, on n'en est pas tellement fiers. Mais du moment qu'on les voit pas, c'est simple, on n'y pense pas. Nous faisons des manifestations contre la mondialisation, avec un Nike sur le dos, avant de passer au McDo. Nous condamnons les crimes de guerre, les génocides, c'est militaire. Mais quand se pointe un Mobutu, nos dirigeants lui lèchent le trou. Nous aidons les pays mourants en utilisant un peu d'argent gagné en les exploitant, faudrait pas nous prendre pour des glands. Éclate une guerre au Moyen-Orient, nous empressons de les aider. En même temps, nous fournissons de l'armement des deux côtés. En Occident, les gens honnêtes ne réalisent pas vraiment que la machine que nous formons met en danger toute la planète. C'est la loi de notre société. Alors ils creusent un fossé entre les villas et les cités. Les pauvres en veulent aux bourgeois pour avoir ce qu'ils n'ont pas. Les bourgeois leur emboîtent le pas pour pouvoir garder tout ça. Et tout en haut, pas de soucis, le grand trésor bien à l'abri. C'est pas demain, tu peux y aller, qu'on pourra tous en profiter. Sommes de braves gens, sympathiques et clairvoyants, clairvoyants pour le futur de nos enfants. Nous leur créons une société dans laquelle penser est faute, société de consommation, mais qu'ils sont mignons les moutons. Je sais que c'est comme ça et que c'est pas cola qu'il changera, mais j'aurais quand même préféré vivre dans un monde moins déjanté. Ouais, j'aurais quand même préféré vivre dans un monde moins déjanté. Oui, alors c'était les gens de l'Occident de Cola. Alors on va reprendre donc sur la transition énergétique. Donc on parlait, j'évoquais tout à l'heure le nucléaire, en disant qu'effectivement les chemins de fer, les trains ne circulent toujours pas à l'énergie éolienne. Donc effectivement, par rapport au nucléaire, comment tu. Et par rapport à cette histoire de transport ferroviaire. Comment tu te situes Les transports aujourd'hui sont à 97 ou 98% basés sur les carburants, donc sur les fossiles. Uh-huh. C'est 9 TWh en France d'électricité sur à peu près les 500 qu'on consomme qui sont consacrés à la mobilité. Donc on a, bien évidemment, si on développe de façon concomitante des énergies renouvelables électriques, on a possibilité de développer une électromobilité durable, dont évidemment le chemin de fer en fait partie. J'allais dire même quelque part un certain nombre de voitures électriques. Alors après, tout dépend ce qu'on met derrière voiture électrique. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Grenoble et il y avait, ils ont mis en place un système d'autopartage de petites voitures qui sont des voitures électriques. Et juste à côté est égarée une Tesla. Voilà, donc c'est aussi de l'électromobilité. Donc de quelle électromobilité on parle? Parce que c'est finalement une voiture de 2 tonnes qui peut aller à largement au-delà des limitations de vitesse et qui est la caricature et le prolongement de la mobilité actuelle, ou est-ce qu'on est sur des dispositifs finalement des dispositifs qui permettent de répondre à une mobilité, hein, quand on sait que la moitié des déplacements font moins de 3 km. Donc évidemment il y a toutes les mobilités actives, marche vélo, mais on peut avoir besoin de développement de véhicules électriques. La question c'est le dimensionnement. Est-ce qu'on est dans le prolongement des tendances actuelles, ou on est sur des éléments, et là on revient à la notion de sobriété, de véhicules qui sont juste dimensionnés pour répondre correctement aux besoins et aux usages. Voilà, donc là, au-delà de se positionner quelque part pour ou contre l'électromobilité, c'est de quelle mobilité on parle et de quelle électromobilité on parle. D'accord. Oui. René, justement, puisqu'on parle un peu quel type de société on veut, justement, il y a la question de l'acceptabilité sociale de la transition. Par exemple, pour le logement, on peut faire au plan technique des logements très performants, mais malheureusement, on a constaté en divers endroits que les gens se l'approprient mal, ce qui amène d'ailleurs à... on n'obtient pas les résultats escomptés. Alors, soit par certains par ignorance, par mauvaise maîtrise des équipements, et enfin, y a aussi chez certains du fait que j'habite un logement basse consommation, je peux consommer plus et je privilégie mon confort. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de pédagogie à faire? Comment peut-on résoudre ce problème qui finalement remet un peu en cause les performances possibles? À la question de l'acceptabilité sociale de la transition énergétique, on peut déjà se poser la question de l'acceptabilité sociale, qui est quand même assez surprenante, du système énergétique actuel. Quand j'évoquais un quart de la population en situation de précarité énergétique, y a-t-il une acceptabilité sociale du modèle actuel, plutôt que de poser la question, est-ce qu'il y a une acceptabilité d'une transition énergétique? Je pense que moi, le modèle actuel, oui. Au-delà d'être non durable, il est inacceptable parce qu'il est injuste. Mais est-ce que les gens, d'une part, est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience de la nécessité? Je parle globalement. On est sur ce qui est décrit, c'est ce qu'on va appeler l'effet rebond. L'effet rebond, c'est globalement mon logement est mieux isolé et donc la température de confort augmente. Mon véhicule consomme moins, je fais plus de kilomètres. Et donc, les éléments sur lesquels travaille Virage Énergie, c'est aussi de souligner les limites de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'un logement qui est mieux isolé et il est plus performant d'un point de vue énergétique, il est généralement plus confortable et c'est tant mieux. Néanmoins, on voit bien que ça ne suffit pas et qu'il y a besoin en fait d'accompagner cette efficacité énergétique par des mesures de sobriété ou amenant une sobriété énergétique, puisque sinon, par effet rebond, tout ce qu'on va gagner d'un côté, finalement, on va le perdre, on va le remanger de l'autre. Et ce qui a été le cas, par exemple, en termes de mobilité, quand on prend, il y a des chiffres entre le début des années 90 et fin de la décennie dernière, globalement, la motorisation, les véhicules consomment 15% de moins. Mais par contre, en fait, on parcourt 15% de kilomètres en plus. Donc, on voit bien que finalement, il y a juste eu un transfert. Et donc, c'est bien les deux qui doivent se combiner, qui doivent s'additionner, se compléter pour concourir à la réduction de la moitié de la demande en énergie. D'accord. Maintenant, il y a un point qu'on pourrait encore aborder, c'est le financement de cette transition énergétique. Alors certains comme par exemple Alain Grandjean, Mireille Martini, qui sont auteurs de l'ouvrage « Financer la transition énergétique », disent qu'en fait l'argent est là, simplement il faudrait le réorienter, puisqu'en fait la transition ne coûtera pas, les investissements envisagés sont du même ordre que si on continue sur le schéma actuel. Ensuite, l'autre question, c'est il y a le financement public, c'est une possibilité. Il y a le financement privé, mais par qui? Si c'est par les multinationales, ce sera leur transition. Une autre possibilité, peut-être, ce serait le financement par les ménages et de là impliquer les citoyens dans des coopératives. Voilà des pistes possibles. Je ne sais pas. que peux-tu nous en dire ? À la première question, la situation actuelle, en fait, fait qu'il y a déjà les flux financiers qui existent. Le tout, c'est de les réorienter petit à petit. La facture énergétique annuelle de la France, c'est autour de 60 milliards d'euros, alors qui fluctue en fonction du cours, plus ou moins du cours du baril. Hein, c'est pour l'importation de pétrole, de gaz essentiellement. 60 milliards d'euros, et ce, chaque année. C'est 2 CICE par an. Et ce, chaque année, et sans prise sur sur l'évolution des cours de l'énergie, puisqu'on est sur un marché mondialisé. C'est au niveau de la métropole européenne de Lille une facture énergétique qui est autour de 2 milliards d'euros. Donc on voit bien que quelque part les flux, enfin c'est pas l'argent qui manque, c'est le circuit pour sortir un peu d'une spirale infernale, pour rentrer dans un circuit vertueux. Évidemment ça peut pas se faire du jour au lendemain, mais c'est petit à petit réaffecté de plus en plus aujourd'hui ce qu'on achète, ce qu'on importe et qu'on brûle. Et donc qui dégage du CO2, donc c'est quelque part mauvais pour la balance commerciale, c'est mauvais pour l'emploi, on pourrait y revenir, et c'est mauvais pour le climat. Néanmoins, ça coûte cher. Vers cette même somme à peu près, hein, on est sur un jeu à somme nulle, mais cette même somme qui permet finalement de développer de l'efficacité énergétique, qui permet d'améliorer notamment les performances des bâtiments, et puis qui permet de développer des énergies renouvelables. Quand on regarde un logement, l'attente, c'est pas de brûler du gaz, c'est même pas d'avoir un chauffage, c'est d'avoir une température de confort. Ce qui est pleinement légitime. Alors comment on répond à cette attente légitime de confort dans un logement ? Eh bien, ça peut être un mix. Assez souvent, pour des bâtiments neufs très performants, on peut aller jusqu'à des bâtiments énergie positive. Mais autrement, même sur des rénovations performantes, on aura des dispositifs de chauffage, mais dont les apports seront très réduits, puisqu'on aura des bâtiments qui seront nettement plus performants. Et on voit bien que le besoin, c'est pas de brûler du gaz. Le besoin, c'est d'avoir une attente. Le besoin, c'est d'un confort. Dans chacune des pièces. Mmh. Voilà, donc c'est remettons déjà le système énergétique dans le bon sens. Et pour terminer sur cette facture, les 60 milliards d'euros, presque d'un point de vue caricatural, mais on n'en est pas très loin, c'est quand on regarde le retour ou les retombées qu'on a pour la France, on achète, donc j'évoquais, hein, c'est essentiellement du gaz et du pétrole, une des retombées, on achète du gaz à qui ? Au Qatar, une des retombées, c'est d'avoir une équipe du PSG surpayée. C'est quand même, pour 60 milliards d'euros, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus intéressant, de plus valorisant au niveau national. Donc voilà cet élément, hein, c'est bien de changer le circuit et d'avoir, on l'évoquait tout à l'heure, d'avoir aussi un prix de l'énergie qui soit stable, suffisamment stable. On spécule pas sur une hypothétique baisse, mais on se... c'est aussi de se prémunir face à des chocs, des hausses importantes de prix, puisque finalement on mobilise à la fois l'efficacité énergétique et puis on développe des énergies renouvelables qui elles sont évidemment peu voire pas sujettes aux spéculations du marché de l'énergie, puisqu'il y a peu ou pas de consommables de combustible. D'accord. Et oui, au niveau justement de ces investissements, si on voit maintenant aussi que les multinationales commencent à s'y intéresser, est-ce que cette transition énergétique ne va-t-elle pas échapper aux citoyens ? C'est l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'elle n'échappe pas aux citoyens. Et c'était un des trois piliers que j'évoquais en début d'émission, sur une transition citoyenne et une transition aussi locale. Dans notre région, on a une hyper concentration avec avec six réacteurs situés à Gravelines. Et pourtant, l'Avesnois a aussi des atouts. Et donc, c'est bien de faire en sorte que l'ensemble des territoires puissent en fait valoriser leur potentiel. Et puis, sur les territoires, c'est là où vivent des citoyens qui peuvent créer des coopératives, donc qui peuvent se réapproprier et construire pleinement la transition, une transition énergétique et citoyenne. Citoyenne, j'allais dire, démocratique. Jusqu'il y a peu de temps, c'était extrêmement compliqué en France, notamment, de faire appel à de l'épargne pour la construction, par exemple, d'un parc éolien. Il y avait le fonds énergie partagée. Aujourd'hui, la loi de transition énergétique le facilite, mais quand on regarde l'essor de l'éolien, par exemple, au Danemark, c'était non pas facilité, c'est une obligation pour un investisseur, pour tout projet éolien, d'ouvrir 20% du capital du projet aux habitants résidant à proximité du projet. C'est en Allemagne, c'était plus de à peu près la moitié des moyens de production d'énergie d'électricité renouvelable qui sont possédés par des citoyens, mais aussi, je pense que c'est un point important, par des coopératives détenues par des citoyens, une personne, une voix. Pourquoi ? Parce que bien voir que c'est pas l'individu aura rarement à la fois les capacités financières d'investir dans une éolienne et les capacités de l'installer dans son champ. Donc, si on est urbain et qu'on habite par exemple en collectif ou que son toit est orienté au nord, bien ça peut être plus judicieux d'aller participer, de mobiliser son épargne à la hauteur de ses moyens, de mobiliser son épargne dans une coopérative qui là pourra pleinement investir dans un parc éolien, dans des capacités solaires, dans un réseau de chaleur. Voilà ces éléments. Et il y a un point dont on, si on parle de réappropriation citoyenne, il y a un point dont on parle très peu en France, c'est toute la question des réseaux énergétiques. Par exemple, à Berlin, il y a quelque temps, il y a eu un référendum pour la remunicipalisation des réseaux de distribution énergétique, un peu sur le combat comme pour l'eau. Ah oui. Puisque il y a entre le moyen de production et puis le lieu de consommation, il y a besoin de l'acheminement. Et c'est aussi toute cette gouvernance. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait des mobilisations citoyennes qui se structure, enfin qui émerge, qui se structure comme pour l'eau, où aujourd'hui on a quand même un mouvement de balancier, hein, ou un retour de balancier qui fait que il y a une tendance à repasser en gestion publique un certain nombre de distribution d'eau. Juste une dernière question, le retour du climato-scepticisme et Trump aux États-Unis. Qu'en dire en quelques mots ? Ça va pas faciliter les choses. Néanmoins, les déclarations qui ont pu être faites, on va réouvrir le charbon, enfin l'exploitation redynamisée, l'exploitation charbonnière et compagnie, peu y croient. Pour la simple et bonne raison que ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que la compétitivité des énergies renouvelables font que, sauf à déverser des subventions de façon massive, ces énergies fossiles n'ont plus leur place. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, on est sur l'extraction charbonnière, on est sur une activité qui est extrêmement capitalistique. Aujourd'hui, si vous devez investir avec une vision à 40 ans, un investissement à 40 ans dans ce type, pour ce type d'activité, dont vous ne savez pas finalement ce qu'il en sera dans 5 ou 10 ans, il y a un risque tel qui fait que il y a une frilosité, donc qui va augmenter le coût de l'investissement et qui va dissuader un certain nombre d'investisseurs. Donc entre le propos et la traduction, concrète, on verra, mais même si on ne peut, c'est, on ne peut pas se réjouir de l'élection de Trump, notamment d'un point de vue climatique et énergétique, néanmoins, entre le discours et puis la traduction effective, on peut s'attendre à ce que finalement ça ne reste, et en tout cas on l'espère, que ça ne reste uniquement de l'ordre de la parole. D'accord. Je crois qu'on va passer... Oui, aux actualités d'attaque. Aux actualités. Du coup, j'en profite pour remercier Stéphane. Merci. Pour cette intervention riche et qui montre bien que les enjeux énergétiques sont autant techniques que politiques. Oui. Alors, parlons donc des actualités d'attaque. Il s'est passé quelque chose le samedi 10 décembre à Lille. Oui. Ah, je pense, je parlais d'abord du plan, au plan national. Donc, plan national. Alors, vendredi 9 et samedi 10 décembre, dans le cadre de la campagne « Faisons le siège de la BNP Paribas contre l'évasion fiscale, multiplication des actions des faucheurs de chaises ». Alors, des dizaines d'agences BNP Paribas fermées partout en France pour dénoncer le système de l'évasion fiscale et appeler au financement de la transition écologique et sociale. Répondant à l'appel lancé par le collectif des faucheurs de chaises, dont fait partie Attac, des centaines de militants ont mené des actions non violentes visant la BNP Paribas. La barre des 60 actions organisées depuis la reprise de la mobilisation le 2 novembre a été atteinte samedi soir. Ce chiffre symbolique rappelle qu'au moins 60 milliards d'euros échappent au budget public chaque année en France à cause de l'évasion fiscale. Les faucheurs de chaises appellent à présent à maintenir la mobilisation en vue du procès de John Palais suite à une plainte de la BNP. À cette occasion, plus de 20 organisations associatives et syndicales appellent à préparer le procès de l'évasion fiscale. Jamais une puissance banque comme BNP Paribas n'avait été contrainte de fermer des dizaines d'agences, de subir une tempête sur les réseaux sociaux et de retomber négative dans toute la presse locale et nationale, jusque dans le Figaro et le Capital, c'est dire. En 48 heures de Rennes à Marseille, de Dax à Lille, en passant par La Réunion, nous avons dénoncé le rôle de BNP Paribas dans l'industrie de l'évasion fiscale et donné rendez-vous le 9 janvier à Dax pour le procès du faucheur de chaises John Palais dont tu parlais, René. Oui, justement, ce procès de John Palais, nous l'avions déjà évoqué dans notre dernière émission. Attac, ANV COP 21, les Amis de la Terre, BISI et de nombreuses autres organisations signataires de l'appel à mobilisation comptent bien saisir cette occasion pour un événement fort. Le vrai procès dont nous avons besoin, contre l'évasion et l'impunité fiscale, pour le financement de la transition sociale et écologique et la protection des lanceurs d'alerte. Autre activité, le lundi 12 décembre 2016, s'est tenue la première journée du procès en appel d'Antoine Deltour, de Raphaël Allais et d'Edouard Perrin, les trois protagonistes du scandale LuxLeaks. Des centaines de militantes et de militants sont venus de plus de 20 pays différents et étaient présents pour les soutenir et réaffirmer l'importance de lutter contre l'évasion fiscale. Parmi eux, des représentants de la société civile, des syndicats, des élus du Parlement européen et des membres des comités de soutien. Une mobilisation internationale sans précédent, coordonnée par les organisations de la plateforme contre les paradis fiscaux, avec notamment Attac France, Action Aide France, Peuple Solidaire et le CCFD Terre Solidaire. Alors cette action a mis en relief un nouvel essor dans la mobilisation de la société civile européenne et marquera l'histoire du mouvement pour la justice fiscale. D'autres journées d'audience attendent les lanceurs d'alerte. La date du délibéré sera connue le 21 décembre prochain. Deux temps forts pour un même message et bientôt un troisième à Dax. Ce ne sont ni les lanceurs d'alerte, ni les faucheurs de chaises qu'il faut juger. C'est l'évasion fiscale en bande organisée. Alors au niveau du plan, au niveau local... Oui, le samedi 10 décembre, procès de l'évasion fiscale et siège de la BNP Grand Place à Lille. La manifestation était organisée par les trois comités locaux d'attaque, l'ANV COP 21 de Lille, Alternativa, les Amis de la Terre et plusieurs autres organisations. Nous avons fixé le rendez-vous à 10h30 sur le parvis de Notre-Dame de la Treille, dans le Vieux-Lille. Et de là, après un briefing, nous avons gagné la Grand Place et pris position devant l'agence de la BNP, fermée pour l'occasion, où déjà l'orchestre nous attendait. Plusieurs d'entre nous avaient amené une chaise, tout un symbole. Cet événement a rassemblé une bonne cinquantaine de participants en musique avec chansons et autres animations, en particulier celle très remarquée de l'église de la Très Sainte Consommation, qu'on ne présente plus, et bien connue dans les rues piétonnes, également des prises de parole, notamment de Jean Gadret, qu'on ne présente plus non plus, sans oublier les visuels, pancartes et banderoles, et diffusion de tracts d'information à l'intention des passants. C'était une participation locale et manifestement réussie à cette journée de mobilisation nationale, qui a d'ailleurs, je crois, fait l'objet d'un article dans La Voix du Nord, plutôt élogieux à l'endroit de cette manifestation. Et aujourd'hui, samedi 17 décembre, à propos du CETA, Joyeux Noël aux multinationales, c'est organisé par le collectif Stop TAFTA de la métropole lilloise, qui a prévu une manifestation de rue dans un style analogue au DIN qui s'était déroulé le 5 novembre. Alors cette fois, c'est un pull-in où les citoyens sont offerts en cadeau aux multinationales, dans un style caricatural, joyeux, ironique, accompagné d'autres animations. Le rendez-vous pour les participants était à 10h15 ce matin devant le Théâtre du Nord. Deux scénarios possibles étaient envisagés, statique, place Riour ou Grand Place, ou déambulation dans les rues piétonnes. Cette action est également annoncée dans l'agenda de Radio Campus. D'autre part, le collectif poursuit ses interpellations de députés européens par email ou par courrier, et la pétition Lille hors CETA progresse trop lentement à notre avis, mais vous pouvez la signer en ligne sur change-.org. Aux dernières nouvelles, la ratification devrait avoir lieu le 1er février, donc à Bruxelles. Paul Magnette, le ministre-président de Wallonie, met la pression pour que le CETA soit soumis à l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne par rapport donc à sa comptabilité juridique.